Salut, salut, salut, sera matinal, 6h à 9h, pour tous les confinés de France. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la matinale, la première matinale de la radio des Boncons, les Boncons, la bonne saucisse, les Boncons confinés. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette première. Alors, c'est une première qui va être un petit peu particulière, puisque c'est notre première. Et on aurait dû commencer à 9h, mais on ne s'est pas réveillé. Mais il n'est pas 6h, là ? Non, il est 10h40. Ah merde. Bon. Donc, une première matinale sous le signe du test. Hein. Vous avez pu entendre notre magnifique générique pour commencer. Alors, je me présente. Je m'appelle Chloé. Vous avez pu me retrouver hier à l'émission d'Ophélie. Et je suis en compagnie de Kemen. Kemen, bonjour. Ouais, bonjour. La caution maghrébiste, discrimination positive, tout ça. Il en faut dans des équipes, hein, tout le monde le sait. Alors, Kemen, comme vous avez pu nous le dire hier au micro d'Ophélie, vous avez migré, si le mot est correct, hein, migré chez la famille Soulard, dont je fais partie. Pouvez-vous nous parler de votre morning routine ? Alors, on parle morning routine en temps normal ou en temps de alors, guerre ? Alors, je voudrais d'abord connaître votre morning routine en temps normal. Eh bien, en temps normal, c'est assez simple, hein. Voilà, je me lève, je vais K1 dans mon jogo, de la gueule enfarinée, me faire chauffer de l'eau, me faire un petit thé, un petit smoothie, souvent banane, orange fraise, hein, idéal, des petites noix. Ensuite, je vais dans mon lit, je me regarde une petite série Pépouze en prenant mon petit déj, jusqu'à ce que caca s'en suive, hein, puisque voilà, il y a des gens qui sont du caca du soir, des gens du caca du midi, du caca au travail, et moi je suis un caca matinal. Donc voilà, je veux dire qu'en confinement, la routine est pas seulement différente, si ce n'est que on adapte son régime, quoi. Là où on est, on n'a pas forcément de blender, donc on mange une banane toute seule. Ça fait très bien l'affaire, une banane toute seule aussi. Les amandes, ça reste. Le caca, c'est fait pour ma part, donc la journée commence bien, hein, sous les meilleurs auspices. Et donc voilà, je dirais que finalement, ça change pas trop, et ça nous apprend peut-être à reconfigurer un mode de vie, à plus à l'écoute de nos corps, ce genre de situation, finalement, hein, j'ai envie de dire. Qu'en est-il pour vous, cher camarade ? Eh bien, écoutez, cette première nuit a été plutôt agréable. Tellement agréable que je n'ai pas vu l'heure. Nous aurions dû commencer à 9h, il est 10h40. Bon, c'est pas grave, on n'est pas après. Mais écoutez, ça s'est bien passé. J'ai pris un petit thé, j'ai mangé une tartine, une brioche. Voilà, c'était très, ma foi, fort agréable. Mon petit chat est venu me faire des petits bisous pour me réveiller ce matin. Écoutez, parfait, quoi. Donc, le programme de cette matinale, dans les prochains jours, nous essaierons d'appeler des Boncons la bonne saucisse de toute la France et peut-être hors France également pour connaître les conditions de confinement à l'étranger. Nous les appellerons un peu un hommage, si vous voulez bien, à Edouard Baird dans sa matinale de Nova pour leur demander un peu connaître leur morning routine. Leur morning routine, si leur morning routine a changé pendant ce temps de confinement ou non. Quelles sont les nouvelles morning routines qui se sont installées dans les prochaines semaines. Nous allons voir tout ça. Pour commencer avec notre première chanson de la matinée pour bien vous réveiller, nous vous proposons un petit Sunday Morning des Velvet Underground. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling side. Early dawning, Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you, there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning, it's all the streets you cross. Not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all. Oui, on se retrouve tout de suite et on n'a pas de sujet pour la suite en fait, puisque c'est une première émission un peu improvisée. Évidemment, demain on sera un peu plus préparé. Là, on a déjà passé trois quarts d'heure à chercher des micros dans la maison, c'était déjà quelque chose d'intense. Mais on est là pour vous soutenir dans ces moments de peine, de doute, de douleur, de souffrance, d'isolation peut-être, ou juste de recueillement, de reconcentration sur vous-même, d'ouverture de vos chakras à plus courte portée finalement. Nous voulions faire une session news là, donc j'essaye de meubler le temps que Chloé aille sur le site de l'AFP, sur Twitter ou sur Huffington Post, d'après ce que je vois. En ce qui me concerne, je peux vous faire un petit point d'actu local, très local, hein, de ce qu'on a pu observer ces derniers temps, qui nous pose beaucoup de questions, qui nous suscite de l'intérêt. Alors, comment va Alain, Chloé? Comment va Alain? Bah, écoutez, je l'ai vu juste pour le petit déjeuner. Après, je crois qu'il est parti faire une sieste. Je ne peux pas trop vous en dire plus. Évidemment, il pensait à préserver vos organismes dans ces temps difficiles. Hein. La sieste n'est jamais de trop. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, nous allons faire un petit point news, parce que dans chaque matinale a son JT, on va dire. Alors, bon, pour les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas, nous aurons des beaux petits jingles. En attendant, je peux vous mettre un petit... Voilà, merci Clément, c'est magnifique. Alors, dans les news en direct de l'AFP, et bien écoutez, le constructeur automobile allemand BMW ferme ses usines en Europe, en Afrique du Sud, hein, voilà, donc ça fait beaucoup. Les chantiers de l'Atlantique aussi à Saint-Nazaire ferment enfin suite à une grève de ses employés qui ne souhaitaient pas reprendre le travail, on peut les comprendre. Voilà, donc ça c'est fermé aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news? Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a appelé les salariés des secteurs essentiels à se rendre sur leur lieu de travail en prenant leurs précautions pour garantir la sécurité économique du pays en plein Covid-19. Voilà. Vous en penserez ce que vous voudrez. Les marchés où l'on voit des foules et qui ont beaucoup d'étals seront amenés à fermer, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Voilà. Des agents de nettoyage aussi désinfectent le site archéologique de Petra en Jordanie pour lutter contre la propagation. Incroyable, incroyable. Et sinon, dans les news un peu plus bonconesques, on va dire, nous pensons tous aux uns et aux autres confinés chez eux. Nous rappelons que Hubert Félix Typhon n'a toujours pas de slip, donc je réitère l'annonce. Cette personne cherche des slips en taille S. Si vous pouvez, vous pouviez nous contacter à la radio directement, nous vous donnerons bien évidemment l'adresse de son confinement pour que vous puissiez lui envoyer des petites culottes. Voilà, eh bien écoutez, qu'est-ce que nous avons d'autre comme news? Ah, un premier cas de décès de coronavirus au Brésil, mais apparemment le président est toujours vivant. Voilà, voilà, voilà. Nous fêtons également les Cyrils aujourd'hui. Merci Scrotum, surprise de nous dire cette information. Ah oui, alors, information importante. Hubert Félix Stephen nous rajoute qu'elle a également besoin de chaussettes. Quelle taille les chaussettes Typhon ? Nous lui demandons, nous revenons vers vous assez rapidement pour cette information. Comment se passe le confinement pour vous, Kéman ? Est-ce que vous avez assez de chaussettes ? Est-ce que vous avez assez de slip ? Et d'ailleurs, vous êtes plutôt slip ou vous êtes plutôt caleçon ? Voilà, dites-nous tout, les auditeurs veulent savoir. Eh bien, je dirais, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais je suis ni l'un ni l'autre, je suis boxer. Parce que j'aime que mes parties respirent, mais j'aime qu'elles soient également maintenues, et seul le boxer offre un tel compromis, comme beaucoup d'individus de la gente masculine le savent. Le boxer, c'est la solution qui met tout le monde d'accord, hein, voilà, tout simplement. Pareil, hein, si vous allez à la piscine, là, le petit slip de bain, ça fait chier, mais on n'a pas le droit au short de bain parce que c'est dégueu, on le porte toute la journée, et ben le boxer, encore une fois, c'est la solution pour toutes les bourses malines. En termes de confinement, j'ai peut-être quelques conseils de survie en communauté. Si vous vous retrouvez avec votre chérie, que c'est peut-être une rude épreuve, que vous n'avez pas passé 15 jours non-stop avec, ou simplement avec des amis un peu trop envahissants, qui rotent ou qui lâchent des caisses de manière un peu trop intempestive, il est important, dès le début, de fixer des règles. Sur les sorties, sur l'utilisation des cabinets, ça je pense que c'est indispensable. Excusez-moi, ça tourne beaucoup autour de ça aujourd'hui, mais on sait très bien que la vie en communauté, le principal angoisse dans ces moments-là, c'est comment je fais mon pipi, comment je fais mon caca. Et donc, moi je tenais à vous accompagner, à vous aiguiller dans ces questionnements un peu anxiogènes hein, qui peuvent vous saisir. Donc c'est important de poser des règles pour la cuisine, pour la vaisselle, pour les gens qui crient, pour la musique, trouver peut-être un espace de confinement plus personnel à un moment dans l'appartement. Si vous êtes parisien, peut-être un placard ou une boîte de rangement en termes d'intimité, je ne sais pas si on aura mieux. Voilà, voilà, voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Là, je m'égare, je m'éparpille, je dérive, je vogue vers de contrées lointaines tout en ne sachant ce quelle va être la phrase suivante que je vais prononcer, étant donné que nous n'avions pas tout écrit. Hein ? Oh ! Et alors, juste un peu classé dans du direct, pour ceux qui ne suivent pas sur Internet, nous avons actuellement un chat dans le studio qui vient de renverser un matelas sur la gueule de Chloé. Hop, on tente de rectifier le tir, pour les aléas du direct. Réaction à chaud, là, Chloé sous la... Attention à la connerie ! Excusez-nous pour vos oreilles, c'est toujours, voilà, la cohabitation avec des animaux de compagnie rajoute toujours un peu de défi. Chloé, sous la réaction à chaud peut-être ? J'ai eu peur, Kéman, j'ai eu très peur. On a tous eu peur, on a tous eu extrêmement peur dans ces périodes difficiles, hein, nous sommes en guerre. Alors, sur une note un peu plus joyeuse avant de lancer la prochaine chanson, eh bien cette prochaine chanson, nous pouvons la dédier à tous ceux qui mettent leur... Véronique Sanson. Nous pouvons la dédier à tous ceux qui souhaitent leur, qui vont fêter leur anniversaire pendant cette période de confinement. Bonsoir à vous, ça ne doit pas être facile de fêter son anniversaire tout seul ou juste avec quelques proches. En attendant de pouvoir se retrouver tous ensemble pour faire des grosses fiestas d'anniversaire, nous souhaitons un très bon anniversaire aujourd'hui à Laetitia Hallyday, qu'on embrasse, également à Queen Latifah, à notre cher Olivier Mine, qui fête également aujourd'hui son anniversaire. Mais c'est également l'anniversaire de Luc Besson, d'Irène Cara, de Patrick Chenet, d'Arlette Laguillet, mesdames et messieurs, de Jean-Luc Anglade, et les autres gens, je ne les connais pas. Donc voilà, on leur souhaite un très très joyeux anniversaire, cette chanson est pour vous. Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Bonjour à tous, nous sommes de retour sur la radio des bons cons, les bons confinés, les bons cons, la bonne saucisse. Vous écoutez la matinale de 9h à 11h normalement. Aujourd'hui, on est un petit peu plus en retard. Alors, écoutez, nous avons prévu de faire un petit jeu avec vous, un petit jeu pour nous amuser, pour tenter, pour nos auditeurs et auditrices, tenter de remporter une dédicace sur la radio des bons cons. Alors, le jeu est simple. Nous allons écouter notre ami Kéman nous raconter un film. Et bien évidemment, il ne veut pas nous dire quel est ce film. Et ça sera à vous de trouver le titre du film dont parle Kéman. Vous pourrez participer en commentant la dernière publication de la page Facebook de la radio des bons cons qui présente la matinale. Si plusieurs personnes ont la bonne réponse, vous serez tiré au sort pour pouvoir du coup faire une petite dédicace sur les ondes de la radio des bons cons. Je vous laisse la parole, Kéman. Quel film allez-vous nous présenter aujourd'hui? En fait, hier soir, j'ai regardé un film. C'était compliqué. Hein, le scénario, il était pas simple du tout. Hein. Alors, en fait, c'est un mec, mais c'est-à-dire que c'est pas vraiment un mec. Mais c'est un mec, mais c'est pas vraiment un mec. Alors, il est un peu frisé, brun, blanc, là, voilà, il a petit t-shirt, jogo, mais il vit chez une meuf. J'ai pas bien compris pourquoi il vit chez une meuf, voilà. Il parle pas, le mec. Il parle pas, il fait que des onomatopées. Alors ça, je me suis dit, peut-être c'était un réfugié, c'était peut-être un roumain, je sais pas. Le mec, il était là, donc il avait une relation, c'était pas sa meuf, c'était pas sa femme, il était là. Il dormait dans le salon en plus, c'était chelou. Et le mec avait pas de boulot. C'était peut-être un roumain du coup. Hein. Il avait pas de boulot, je comprends pas. Et à un moment, la dame lui dit, tu pourrais peut-être trouver un boulot. Et puis en fait, le mec, il aime bien jouer au ballon, il aime bien jouer au foot. Donc il fait du foot, voilà. Mais bon, il comprend pas trop le truc, hein, le foot avec les pieds et tout ça, hein, bref. Donc il se retrouve à faire du foot, il se retrouve à faire du foot, et il se retrouve à jouer dans des grandes équipes. Il se retrouve à jouer au Paris Saint-Germain. Il se retrouve à faire du foot genre Ligue des Champions et tout. Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, waouh, putain, je suis pas sûr que pour Mbappé, ça aille marcher comme ça le recrutement. Mais d'accord, d'accord, pourquoi pas, pourquoi pas. Je trouvais que ça manquait de consistance en termes de scénario, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et le mec, en termes de rapports sociaux, mais chelou, chelou de ouf. C'est-à-dire que le mec, il renifle des culs pour rencontrer des gens, quoi. Il semblerait qu'on ait un. Oh. Ah, on est un gagnant, d'après ce que je vois. C'est qui notre vainqueur là hein Clarisse Lard, je vous passe parce que peut-être on vous dira ça sur la page, mais il y en a qu'on trouvait déjà. Bon bah pour les autres, continue à commenter. Continue à commenter parce que moi de toute façon j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avoir des explications scénaristiques parce que ça me dépasse cette histoire. Donc le mec pour rencontrer des gens, il renifle des culs, voilà. Le mec est chelou quand même, hein. il dort pas dans un plumard, quoi. Il aime bien dormir dans un espèce de cabas en tissu là, posé dans le salon. Et maintenant que j'y pense, le mec il était vachement obéissant de la femme chez qui il vivait, quoi. Je veux dire, alors peut-être, pourtant, il date des années 90 quand même, le film, alors MeToo, tout ça, j'y crois pas trop, hein. À ce moment-là, voilà. Et puis, bah voilà, quoi. Le mec il jappait presque, tu vois, il parlait pas, il jappait, tu te rends compte, toi, c'était. Allez, et puis maintenant que j'y pense, je me demande si le mec c'était pas un chien avant. C'était au début du film. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y avait peut-être une erreur de casting? Est-ce que Alain Chabat était malade pour le début du tournage? Est-ce que, comme je. S'il vous plaît, auditeur, hein, si vous pouvez m'expliquer ce film, dites-moi, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir perdu une soirée en vérité. Merci, Kéman, pour cette magnifique présentation de ce film dont on taira le nom, bien évidemment. Les auditeurs sont amenés à commenter. La publication de la matinale de ce matin pour nous dire s'ils ont trouvé de quel film il s'agissait et tenter de remporter une grosse dédicace. Eh bien, nous allons continuer maintenant avec une prochaine petite chanson. Écoutez, nous étions dans un mood ce matin de douceur. Il fait beau à la Rouxière, le ciel est bleu. Malo fait des bêtises, Alain est parti faire une sieste. Écoutez, nous allons donc maintenant passer à une petite musique toute douce que nous aimons particulièrement. Et nous partons outre-Atlantique, nous partons aux États-Unis qui sont également en période de confinement. Et nous partons pour écouter la douce et belle voix de Madame Alicia Keys. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain, the promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Good would it be? baby. Oh, ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. La matinale des bons cons. Eh ben, on est de retour parmi vous, et cette émission s'achemine tranquillement, la fin approche, mais pas tant, nous avons encore un peu de temps à passer ensemble. Chloé, vous suggériez à l'instant un petit défi du jour à soumettre à nos auditeurs ? Exactement, je propose à nos très chers auditeurs, nos bons confinés. Je propose à nos bons confinés de nous envoyer leur plus beau selfie pyjama. Alors, certains sont déjà partis au travail et nous pensons très fort à eux. Nous pensons vraiment très très très fort à vous. Pour les autres, qui sont sûrement peut-être encore comme nous, hein, en pyjama, envoyez-nous vos plus beaux selfies pyjama dans les prochains jours également. Tous les jours, vous pourrez nous envoyer un petit selfie pyjama que nous repartagerons bien évidemment sur la page Facebook de la radio des bons cons. Alors, les bons cons sont autorisés à le faire bien évidemment, mais tous nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas bons cons peuvent également nous envoyer leurs plus beaux selfies. Nous ouvrons cette radio à tous et à toutes. Vous êtes énormément déjà à nous suivre sur la page Facebook, c'est incroyable. Vous êtes vraiment des bons gros cons pour nous suivre comme ça et vous méritez vraiment de partager ce nom avec nous. D'ailleurs, si je peux me permettre, Chloé, parce que le terme bon con hein, ne parle pas forcément à tous nos auditeurs, comme vous le dites, maintenant la sphère s'est étendue. Moi-même, je suis qu'un bon con intermittent ou peut-être un bon con de proximité, n'étant pas moi-même à part entière membre du groupe. Peut-être que pour les éditeurs qui ne sont pas bon cons, ou qui souhaitent le devenir, tout simplement, pourriez-vous nous faire un petit historique des bons cons ? D'où vient ce nom ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils nous envahissent ? Est-ce qu'ils vont nous grand remplacer ? Les Français veulent savoir. Alors, les bons cons, c'est un petit groupe d'amis qui viennent de, pour la plupart, le noyau central, on va dire, est situé en Loire-Atlantique, 44. Hein. Je laisse à nos auditeurs le soin de savoir si 44 égale baiser d'âge ou non. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas la question, cela ne nous regarde pas. Donc ce groupe s'est créé il y a fort longtemps. Hein, ça a commencé, les premières amitiés ont commencé au collège, lycée, se sont développées. Moi-même, je côtoyais ce groupe depuis quelques années déjà, mais ça fait vraiment 2 ans et demi que j'ai intégré, on va dire, en CDI, hein, ce groupe d'amis, dont fait partie également des fratries. Nous avons, par exemple, ma sœur Ophélie, que vous avez pu entendre hier dans son premier live. Directrice des programmes de la radio. Exactement, créatrice, directrice des programmes. Voilà, nous avons donc des cousins, des cousines, nous avons, mais surtout, beaucoup d'amour dans ce groupe de bons cons. Alors, les bons cons, pourquoi les bons cons ? Puisque, bah, tout simplement, hein, sans chercher midi à 14h, ou plutôt sans chercher la matinale de 9h à 11h à partir de 10h30, c'est des bons cons parce que, bah, comme vient de vous le dire, bah, on est des bons gros cons, quoi. Vous voyez, on avait prévu de faire une matinale de 9h à 11h, on l'a commencé à 10h30. Normal, tout va bien. C'est pas comme si on avait d'autres choses à faire. Donc voilà, cette belle bande de gros cons est également renforcée par l'arrivée des parents, des bons gros cons. Voilà, nos parents sont maintenant devenus amis. Ils s'apprécient, ils se font des blagues entre eux et c'est très bien. C'est très très bien. Et donc voilà, ce groupe s'étend, hein, nous pouvons paraître un petit peu bizarres comme ça, là, en première impression, mais nous sommes très gentils, on parle un petit peu fort, on aime bien faire la fête, voilà, c'est très très bien. Ah oui, on nous dit également qu'il nous faut parler du loup-garou. Voilà. Alors là, on part sur une longue histoire. Alors, c'est vrai que il fut un temps Quand nous faisions des soirées, nous aimions bien jouer à des jeux le matin ou également regarder des films d'horreur. C'est une de nos passions. Et il s'avère que oui, à mes 25 ans, nous avions envie de jouer à un loup-garou. Nous n'avions pas de loup-garou et nous avons donc décidé de faire les cartes nous-mêmes du loup-garou. Et en ce faisant, nous avons inventé de nouveaux personnages. Donc je ne sais pas s'il y en a des gens qui connaissent le jeu du loup-garou. Fameux jeu très très connu. Mais il s'avère que oui, désormais, vous avez une version bonconesque. Si un jour nous arrivons à négocier les droits avec l'équipe du loup-garou, nous vous sortirons ce magnifique loup-garou bonconesque. Ça fera peut-être partie des goodies hein, de la radio des bons coins. Kéman, dites-moi, des nouvelles peut-être du monde extérieur? Est-ce que vous avez des nouvelles des gens qui sont en ville, à Paris? Comment vont vos proches? Où sont-ils? Que font-ils? Je pense surtout à vos amis musiciens, puisque vous faites vous-même partie d'un groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment va se passer votre vie d'artiste? Votre vie d'artiste dans mon monde? Comment se passe-t-elle pendant cette période de confinement? De toute façon, un musicien qui ne fait pas de concert, c'est un individu qui reste globalement en jogo chez lui à jouer à ses synthés. Donc le monde ne change pas, hein, si ce n'est qu'il ne pourra pas le soir aller se pochetronner la gueule avec ses copains intermittents. Voilà pour ce que j'ai à en dire. C'est-à-dire que tout le monde se cloître avec le matos nécessaire. C'est-à-dire que un musicien ne sait pas être survivaliste. Hein, clairement, je vais pas vous mentir. Quand on lui dit « tu peux prendre un instrument de musique », c'est un cruel dilemme. Et du coup, beaucoup hein, de ce que j'en ai eu dans les milieux qui m'ont informé, on prend beaucoup de matos si on part à la campagne, ou certains sont restés dans leur appartement en s'équipant de leur Macintosh, hein, pour ne pas faire de marque, de pub, pardon, et leur matos de musique. Moi-même, j'ai pas su y aller avec parcimonie, et nous sommes entourés actuellement de plein d'instruments de musique dans la chambre du bon con Hugo Soulard. Peut-être que, après tout ce bavardage, vous avez peut-être besoin de digérer un petit peu, hein, vous nourrissez tellement de nos paroles qu'il ne faudrait pas frôler l'indigestion. Hein. Alors, on va vous envoyer un petit son d'ironie, et puis après on vous reprend juste un peu. Hein. C'est un bon moment, c'est comment il y a. Your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. As deep as the Pacific Ocean, I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. matinale de bon coup. Allez, on est de retour, bientôt la fin, bientôt l'heure d'aller préparer à déjeuner, de manger devant la télé et d'aller lancer sa carrière FIFA avec le FC Nantes. Enfin, évidemment, je parle pour vous tous. Hein. Alors, on va tenter des petites chroniques. Aujourd'hui, on tente des trucs, on voit ce qui se passe, et puis demain, on reviendra avec un truc un peu mieux foutu, hein. Peut-être préparer la veille, qui sait, ce serait pas mal. Déjà, peut-être que nous viendrons à l'heure. C'est ça. Inch'Allah, comme on dit dans le milieu. Donc, moi, j'avais décidé de vous parler un peu de musique, là, tout de suite. Parce que qui dit confinement, dit moment où on va pouvoir se mettre un bon vinyle, un bon album, et juste poser le cul et l'écouter de A à Z. Car on le sait, hein, à l'époque de Spotify et des streamings musicaux, on binge-listen des singles à tout va, mais on se pose rarement pour écouter des albums en entier. Et ben là, c'est le moment de revenir aux sources. De ne rien faire d'autre que de mettre une galette dans votre manche-disque et de l'écouter de A à Z. Chaque jour, je vais essayer de vous parler d'un groupe que je kiffe, qui serait peut-être le moment de découvrir pour vous. Et là, on vient d'écouter Arctic Monkeys, donc c'est le moment de parler d'Arctic Monkeys. Waouh, l'improvisation des mecs. Waouh, ils sont ouf. Donc Arctic Monkeys, je fais une petite dédicace à mon pote Charlie Lee qui écoute peut-être cette radio et qui, si j'ai le malheur de faire une bourde... À mon pote Charlie Lee qui doit écouter, et si j'ai le malheur de dire une connerie, de faire une bourde sur la biographie d'Arctic Monkeys, je vais recevoir une chier de SMS insultant derrière, donc je vais tâcher d'être bref, concis, mais factuel. Donc les Arctic Monkeys, hein, pour tous ceux qui ont été au lycée dans les années 2000, hein, c'était de la musique de rock à guitare quand on n'en fait plus beaucoup. Ces quatre petits mecs de Sheffield, c'était quatre copains de lycée qui sont un peu mis de collège, qui se sont mis à la musique ensemble quand ils ont eu des instruments de musique à Noël et ils ont formé un groupe. Donc à l'époque, on avait les cheveux longs, on était maigrelets, on portait des jeans et des polos avec les cols relevés. Ils ont sorti leur premier album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, qui était une bombe pour l'adolescent que je suis, hein, avec la tuerie qui est I Bet You Look Good on the Dance Floor. C'était adolescent, hein, il n'avait pas encore découvert le Beatles, mais il savait déjà faire du bon gros rock à l'ancienne. Et ils ont commencé à tourner, alors bon... leur bassiste a abandonné parce que le rythme des tournées était trop vénère, ils en ont pris un autre, voilà, et la bande d'Alex Turner, le chanteur, est partie de plus belle. Donc on a plusieurs albums, hein. Bon, le premier, si vous aimez l'énergie rock qu'il y avait dans les années 2000, hein, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, avec la couverture chelou d'un de leurs potes qui fume une clope. Donc enfin, voilà, si vous voulez juste un truc à l'essentiel, guitare, batterie, basse, un truc énergique, si vous vous lancez dans du ménage et que vous avez besoin d'avoir la grosse pêche, bah c'est parti, hein, on se met ça. Moi, je vous conseille leur deuxième album, Favorite Worst Nightmare, qui est mon favori personnellement. Un peu plus dark, un peu plus glauque, des ambiances un peu plus torturées que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Humbug. Alors là, voilà, l'album de la maturité peut-être, je sais pas. Ils ont les cheveux plus longs, on porte des vestes en jean, on s'affirme, on a quelques poils de barbe qui poussent au visage pour les mecs d'Alex Turner, et là, on sent qu'il y a un peu de coronesse qui arrive dans la musique. Ça devient un peu plus rock and roll, hein. Là ils commencent un petit peu à loucher sur la musique américaine, les vocaux. D'où leur album ensuite Suck It and See, enregistré et produit avec James Ford qui bosse avec eux depuis le début, et là Josh Homme qui est le chanteur, le leader de Queen of the Stone Age, donc de la musique avec beaucoup de testostérone, hein, de la musique pour ceux qui prennent des prots et qui vont à la salle pousser de la fonte. Donc autant vous dire que les petits, les quatre maigrelets de Sheffield, là, d'un coup, ils s'américanisent de ouf. C'est blouson en cuir, lunettes de soleil et Harley Davidson dans le désert. Donc si vous êtes plus dans ces ambiances un peu plus heavy, écoutez Suck It and See. Et puis après Suck It and See, merde, là, je suis en train de je me perds. Qu'est-ce qu'on avait juste après? C'était ah oui, AM, ben voilà, dont le morceau I Wanna Be Yours est issu. Là, on est dans une musique qui se pose un peu plus parfois. On a des gros tubes, hein, avec Why Do You Always Call Me When You're High, hein, le grand classique. Et Do I Wanna Know, hein, de la bonne grosse musique de stade, hein, évidemment, de la grosse musique de stade. Voilà, moi personnellement, je me suis un peu plus perdu des Arctic Monkeys qui sont vachement liés à mon adolescence, le truc un petit peu insouciant, ouais, on fait des accords de guitare, on chante, et, on a des grosses paroles bien juvéniles et un peu naïves finalement, parfois, voilà. Et voilà, donc cet album AM, qui est celui qui a fait d'eux des superstars mondiales, je pense. Hein. Maintenant, on en est au stade. Excusez-moi, voilà. J'ai une question. Est-ce que d'après vous, l'album AM, c'est l'album de la maturité pour Arctic Monkeys? Bonne question. Je pense qu'à chaque album est finalement l'album de la maturité. On passe un cap. En tout cas, c'est l'album de la super famousité, moi je dirais. Hein, voilà, là maintenant on fait de la musique de stade, hein, on pourrait faire un concert à Buckingham Palace pour la reine, quoi. Franchement, on en est à ce stade-là. Hein, et donc, ils ont sorti leur dernier album, dont j'oublie tout le temps le nom. C'est machin Black Hotel. Peut-être qu'on a notre directrice des programmes qui peut nous envoyer un petit SMS pour que je vous donne l'info là. Qui est pour le coup, on prend un virage là. On sent que là, on est des adultes, on est des papas. Hein, il y a beaucoup plus d'instruments, on a des petits Wurlitzer, des petits orques, des petits Rhodes, qui sont des pianos électriques. Alors, Tranquility Base, Hotel and Casino. Voilà. Donc là, j'imagine que j'ai reçu un SMS de Charles Lely qui va me dire « T'es trop con, c'est le meilleur album d'Arctic Monkeys !» Et effectivement, si au début j'étais un peu sceptique en me disant que c'était de la musique de papa, eh ben ouais, mais ils font ça très bien. Donc si vous êtes plutôt en ambiance chill, que là vous commencez à cuisiner, que vous n'avez pas envie de vous booster, mais plutôt là de profiter un petit moment, bah, je vous conseille ce dernier album d'Arctic Monkeys qui est excellent. Donc voilà, plein d'albums pour plein d'ambiances différentes. Suivant votre mood du jour, prenez le temps, c'est important, de vous bouffer un album de A à Z. Beaucoup d'artistes construisent leurs albums comme ça, et la logique de single, de manger juste un titre, bah, c'est peut-être parfois se priver d'un univers d'un groupe. Voilà, je vous laisse avec ça pour Arctic Monkeys. Demain, on va parler de Radiohead. Et là, ça va être long, ça va être dense. Et là, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà, que je vous repasse l'antenne. Merci, Kéman, pour ce point culture musicale. C'est notre expert, un peu, Kéman, au niveau musique. Je rappelle pour tous nos auditeurs et surtout auditrices que Kéman fait partie d'un groupe dont il est, je peux dire, le lead, hein, sans grand... problème, hein. Vous faites partie d'un... Vous avez créé un groupe qui s'appelle Ways We Were. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce groupe sur sa page Insta, sa page Facebook également. Vous avez une page Facebook. Ouais, mais pour si vous voulez voir plus de conneries, de stories inutiles et passer peut-être un peu à côté de la musique, parce que c'est pas toujours ça le plus important, hein. Et ben, allez sur Instagram. Et sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut aussi, voilà. Donc l'Instagram de Ways We Were. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est rigolo. Et en plus de ça, nous sommes sur de la musique de qualité. Alors, bien écoutez, nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission. Nous passons désormais à la dernière chanson de l'émission. C'est un petit groupe, voilà, que moi j'aime énormément, hein. Je pense que vous risquez d'entendre ce groupe encore plusieurs fois dans la matinale. Je vais essayer d'utiliser mon amour pour ce groupe avec parcimonie, pour vous en donner un tout petit peu de temps en temps et ne pas vous en donner trop. Ce groupe s'appelle Ma Pauvre Lucette, MPL, et cette chanson, c'est une chanson qui a été, une reprise de Diamond de Rihanna. C'est une reprise en français qui s'appelle donc Diamant. C'est pour tous mes petits loulous, toutes les petites zoulettes, tous les copains des bons coins, hein. Vous êtes tous des diamants, vous brillez tous comme des diamants dans le ciel. Voilà, cette chanson est pour vous, je vous aime fort fort fort, fort fort fort, fort fort fort. Dans la mer, j'ai trouvé le feu, j'ai choisi d'être heureux. Toi et moi, comme des diamants dans le ciel. Tu es une étoile dans la nuit, une vision qui m'extasie. Lorsque tu me tiens, je suis vivant, ma belle, comme un diamant dans le ciel. J'ai tout de suite su que nous ne ferions qu'un dès le début. Senti l'énergie du soleil quand je t'ai vu, et j'ai vu la vie dans tes yeux. Ce soir, brillons fort, toi et moi, ma belle. Nous sommes beaux comme des diamants dans le ciel, les yeux dans les yeux, si réels. Nous sommes beaux comme des diamants dans le ciel. Briller comme un diamant, nous sommes beaux comme des diamants dans le ciel. Briller comme un diamant, briller comme un diamant, nous sommes beaux comme des diamants dans le ciel. l'homme en l'air vers l'univers. Molly et Moonshine dans le verre. La chaleur monte, nous sommes immortels comme des diamants dans le ciel. Tu es une étoile dans la nuit, une vision qui m'extasie. Lorsque tu me tiens, je suis vivant ma belle, comme un diamant dans le ciel. J'ai tout de suite su que nous ne ferions qu'un dès le début. Dès le début. J'ai senti l'énergie du soleil quand je t'ai vu. Et j'ai vu la vie dans tes yeux. Des bons cons. Bon ben voilà, on va se laisser là-dessus. C'était une première un peu en bricolage, mais on voit un peu ce qu'on va pouvoir préparer pour demain. Alors voilà, demain vous aurez de la chronique musicale, vous aurez le film à deviner, hein, comme on a fait aujourd'hui. On va vous préparer du petit reportage informatif sur la vie laroxiroise. Voilà ce qu'il en est. Pour ma part, moi, je vais vous dire au revoir et puis je vais laisser ma collègue Chloé vous saluer aussi. Les bons cons, on se retrouve demain, hein, à 9h plus ou moins. Oui, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. N'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas à nous dire des choses dont vous avez envie de parler dans cette matinale. Nous allons également... n'oubliez pas également de nous envoyer vos selfies. Vos selfies du matin, envoyez-les nous pour qu'on puisse les partager. Nous sommes confinés tous ensemble, hein, n'oubliez pas. Écoutez, nous vous retrouvons demain 9h. Nous allons voilà, faire en sorte de nous lever, même si c'est juste réveil à 9h. On s'installe, on prend notre petit déjeuner sûrement en même temps que vous. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, nous retrouvons demain. N'oubliez pas, stay tuned, stay indulgent, stay at home. Restez bon confiné surtout. À demain, bisous les zous, bisous les zouzous. La matinale.